Kanyangi. Il est 16h en temps universel, 18h à Bujumbura. Voici, madame, monsieur, les grands titres de cette édition. Burundi, démocratie piégée, ainsi s'intitule cet ouvrage de l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya. C'est un apport d'idées à la mission de la commission Vérité Réconciliation, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous reviendrons également sur le Conseil des ministres qui s'est tenu les 6 et 7 de ce mois. Entre autres points à l'ordre du jour, la spoliation des terres domaniales. Il est désormais interdit aux filles de la commune Muyinga de circuler en dehors des ménages au-delà de 18h en compagnie d'un garçon élève ou non. Et la révision dans la nature est également interdite. Ainsi en a décidé l'autorité communale. À la fin de cette édition, vous aurez la revue de la presse. La mise en onde est assurée par Epita Sendaishimiye et Metusin Mitebouti. Rebonsoir et bienvenue. La radio de l'avenir. Contribuer par des idées au travail de la commission Vérité Réconciliation et la leçon à apprendre sur les moments difficiles que le Burundi a traversés. Telles sont certaines des raisons qui ont poussé l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya à publier son livre intitulé « Burundi, démocratie piégée ». C'était ce vendredi, lors de la présentation officielle de ce livre. Cet ancien numéro 1 burundais appelait les jeunes burundais à éviter des manipulations politiques durant cette période cheminant vers les élections de 2020 suivies. La première raison, c'est une contribution pour le travail de la commission Vérité et Réconciliation, une commission qui est à l'œuvre depuis plus de 4 ans. C'est une contribution parce que je juge que nous, les anciens chefs d'État, nous avons des vérités à révéler. Nous avons peut-être aussi des confessions à faire. Peut-être que nous avons aussi des interrogations, même si les périodes qui nous concernent. Et là, nous devons nous ouvrir pour donner notre contribution au travail de la commission Vérité et Réconciliation. La deuxième raison que j'ai évoquée, c'est une sorte, pas de leçon, mais une sorte de piste de comportement. Ne pas être tenté, quand on analyse le passé de ce pays, de le faire sous des dimensions manichéennes. De le faire dans ce qu'on a appelé dans le temps un état tenté par la diabolisation de celui qu'on considère comme son ennemi, là c'est pour les militaires, ou comme son adversaire, notamment en politique. Parce que moi je suis convaincu que si on veut réconcilier les Burundais, on doit justement réconcilier les esprits les plus contradictoires. La troisième raison, et c'est la plus fondamentale pour moi, j'écris pour la jeunesse burundaise. J'écris pour les jeunes qui aujourd'hui commencent à occuper des responsabilités dans la vie de ce pays, dans nos corps de défense de sécurité, dans nos institutions, dans notre administration, dans nos confessions religieuses, dans la société civile. Vous devez vous protéger par rapport justement à ce passé nauséabond que nous avons bâti ou que nous avons vécu, pour que justement vous puissiez édifier ce Burundi de paix, qui ne peut être réel que s'il y a une sincère réconciliation bâtie sur une vérité, j'ai dit dans le livre, sans phare par rapport à son passé. J'alerte donc vous les jeunes, faites attention, ne commettez pas des erreurs en vous impliquant dans des stratégies qui ne vous rapportent rien. Impliquez-vous plutôt dans des stratégies qui vous garantissent un avenir meilleur. Ne vivez pas sous la hantise. L'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya qui vient de publier son œuvre intitulée « Burundi, démocratie piégée ». Il s'observe des lacunes dans le secteur foncier, ce qui cause la spoliation des terres domaniales qui serviraient de terrains cultivables. Précision de Prosper Anhaugwamie, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, après le Conseil des ministres tenu les 6 et 7 février de l'année en cours. Il ajoute que lors de ce Conseil des ministres, un projet de loi a été adopté en rapport avec la récupération des terres domaniales spoliées. On l'écoute et nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio Nationale. Le secteur agricole revêt une grande importance pour l'économie burundaise. C'est pourquoi à travers le plan national de développement, le Burundi a l'ambition de développer son économie en se basant sur la modernisation de l'agriculture. Cet objectif ne pourra être atteint si le pays n'assure pas une maîtrise parfaite des facteurs de production, dont le facteur foncier. Sur le plan légal et réglementaire, des lacunes sont observées dans le secteur foncier, donnant par ce fait l'occasion à bien d'acteurs de spolier les terres domaniales à vocation agro-silvo-pastorale. Pour corriger ces lacunes, le gouvernement est engagé dans un processus de récupération de certaines propriétés domaniales qui avaient été spoliées. Le présent projet introduit des modalités d'identification, de gestion et de conservation des terres à vocation agro-sylvo-pastorale. Il indique aussi les principaux acteurs qui doivent travailler, le cas échéant, sous forme de partenariat pour assurer une bonne augmentation de la production agro-sylvo-pastorale, en l'occurrence l'État, les organisations de producteurs agricoles et les partenaires privés. Après échange et débat, le projet a été adopté, mais une équipe a été désignée pour toilettage juridique. Prosper Ntagwamiye, porte-parole et secrétaire général du gouvernement burundais. Le nombre d'accidents, de blessés, de morts a sensiblement diminué si l'on compare les années 2017 et 2018, des précisions du commandant de la police de roulage. Ce vendredi, en conférence de presse au PC1, Roger Banguiguira explique que c'est suite au feu tricolore, bien que certaines lacunes s'observent encore pour des cas d'usage du téléphone au volant ou le mauvais chargement et son réprimande car étant parmi les causes d'accidents, souligne cet officier de police qui ajoute que la situation va s'améliorant. Suivez. L'évaluation de l'évolution de la situation nous révèle plutôt que la situation est allée s'améliorant. J'en veux pour preuve, si on compare le nombre d'accidents qui se sont produits au cours de l'année passée 2018 et ceux qui se sont produits en 2017, on voit qu'ils ont été réduits à hauteur de 9%. Le nombre de victimes a également baissé si on compare les deux années, car on remarque que le nombre de blessés a été diminué jusqu'à 12%, alors que le nombre de morts, lui, a été sensiblement réduit jusqu'à 44%. Cela me permet de conclure que même si la situation n'est pas aussi reluisante, il y a eu quand même amélioration. Il y a une série d'infractions que nous combattons avec la dernière énergie et ce qui se rendent sur la voie publique et en ont déjà fait le constat. Il s'agit notamment du téléphone au volant, du non-port de la ceinture de sécurité, du non-port des casques pour les motards, mais aussi de mauvais et d'excès de chargement. Et je dois vous assurer que chaque fois que nous constatons ce genre d'infraction, nous la réprimons sans état d'âme, avec la dernière énergie, ayant constaté qu'ils sont parmi les causes majeures des accidents. Au PC1, Roger Banguiguira, commandant de la police de roulage PCR. Poursuivons ce journal. Une vingtaine de maisons détruites, une église et des poteaux électriques endommagés. Tel est le bilan de fortes pluies tombées ce vendredi au chef-lieu de la commune Rugombo, en province Cibitoke. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas plu. Les cultures commençaient à sécher. Les habitants touchés n'ont point où dormir et demandent une assistance. Et Béatrice Kaderi, administrateur de la commune Rugombo, fait savoir que les listes ont été confectionnées pour être envoyées aux autorités supérieures. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h08 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivant ce journal, il est désormais interdit qu'une fille circule en dehors du ménage au-delà de 18h en compagnie de garçons élèves ou non. La révision des leçons est interdite dans la nature. Ces mesures émanent de l'administrateur de la commune Muyinga qui annonce une volonté de redresser le comportement des jeunes vu les abandons scolaires. Les détails avec Dieudonné Nzeimana depuis Muyinga. À travers un communiqué affiché devant les bureaux de la commune et lit lors des rassemblements de prières depuis vendredi, l'administration de la commune Muyinga annonce une série de mesures. Désormais, c'est interdit aux filles de circuler au-delà de 18h en compagnie de garçons, se rendre dans la nature pour réviser les leçons, porter certains habits comme les mini-jupes, collants, déchirés, sans distinction de sexe. Il est interdit aux jeunes de fréquenter les boîtes de nuit. Philippe Nyiramigo, administrateur de la commune Muyinga, invite les parents à coopérer pour la mise en application de ces mesures visant à redresser l'éducation des jeunes. Pour les autorités communales, beaucoup d'enfants abandonnent l'école conséquemment à la méconduite, notamment avec les grossesses non désirées. Des punitions exemplaires seront prises contre les récalcitrants. De quelles sanctions ? Aucune précision dans ce communiqué avec des mesures saluées par des parents, mais suscitant plutôt remous chez des jeunes parlant d'une remise en cause de leur liberté. De Muyinga, Yodone Nzeimana pour la radio Isanganiro. Quittons la province Muyinga pour nous rendre en province Rumonge. C'est au sud du Burundi où certains parmi les élèves handicapés du lycée Rumonge, en commune et province Rumonge, se lamentent qui se voient retirer des points d'éducation pour leur non-participation dans les défilés, des points leur remis après réclamation qu'ils considèrent comme une violation de leurs droits. Pascal Niongabo, préfet des études au lycée Rumonge, explique cela comme une mégarde de certains des encadreurs, une situation remédier aussitôt constaté. Le point avec Jean-Pierre Misago. Il s'agit là d'une des élèves vivant avec handicap au lycée Rumonge. Cette jeune fille ne parvient pas sur le lieu du défilé lors des fêtes nationales à cause de son handicap. Elle se voit ainsi mentionnée parmi les absents et des points en éducation lui sont retranchés comme les autres. Cet élève est alors obligé d'aller s'expliquer pour être rétabli dans ses droits et s'estime ainsi discriminé. Elle demande que son cas soit porté à la connaissance de tous les intéressés pour éviter ce désagrément. Pascal Niongabo, préfet des études au lycée Rumonge, reconnaît cette situation qui survient lorsque l'appel est effectué par quelqu'un qui n'est pas informé sur le cas de ses élèves. L'encadreur qui ne fait que l'encadrement, lorsqu'il arrive là-bas en bas, il fait l'appel en bonne et due forme. Quand il termine l'appel, il monte avec la liste des élèves qui n'ont pas été trouvés sur le défilé. Malheureusement, quand il arrive, il peut arriver qu'en allant à l'encadrement, il prenne directement le cahier de suivi et il enlève les points pour les élèves qui ont été considérés comme étant absents. Dans ce cas-là, l'enfant qui a un handicap peut se retrouver retiré des points en éducation. Aussitôt l'erreur constatée, l'élève est rétabli dans ses droits. Selon Pascal Niongabo, si nous constatons que l'élève handicapé a été retiré des points parce qu'il n'a pas été présent à l'appel là-bas en bas, nous réajoutons les points qui lui avaient été retirés. Comme ça, l'enfant est rétabli dans ses droits. Le préfet des études du lycée Rumonge dit que cette école ne compte que deux élèves à haut degré d'infirmité et que des mesures ont été arrêtées pour qu'ils ne se sentent pas discriminés. Jean-Pierre Misago, depuis le lycée Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago et de Rumonge. On se rend au centre du pays, en province Gitega, où certaines personnes handicapées de la ville de Gitega disent qu'ils ont des problèmes comme la discrimination et la pauvreté. Afin de pouvoir faire leurs petits travaux pour leur autodéveloppement, ils l'ont dit dans l'après-midi de ce vendredi, alors que 75 d'entre eux recevaient une aide constituée de vivres distribués par l'Église des Baptistes à travers une fondation américaine. Les détails avec Arthur Kavabushi. Ces personnes en situation d'handicap avec lesquelles nous sommes entretenus sont constituées d'un jeune homme, une jeune fille qui a mis au monde un bébé avec handicap et une dame mariée. Ce jeune homme du nom de Venice Nshimirimana a une seule jambe. Il dit qu'il a grandi étant comme ça et étant discriminé par sa famille et qu'actuellement il n'a rien à faire sauf mendier. Il demande à toute personne de ne pas écarter les handicapés, surtout dans les familles. Aïcha, qui est annonciate, est une jeune fille qui a mis au monde, étant en 9e et dont le bébé ne peut pas s'asseoir et a le cou en mauvais état. Ça lui a poussé à interrompre ses études pour aller le faire soigner au centre de Mutuenzi et son bébé récupère bien comme elle le dit. Elle indique qu'elle a repris les études et qu'elle est en terminale et demande aux autres jeunes filles de cesser l'habitude de jeter dans les forêts leurs bébés parce qu'ils sont nés avec handicap. Daïssa Bamari, qui a une seule jambe, à partir de 7 ans, elle est vendeuse au marché de Gitega. Elle fait savoir qu'avant, sa belle-mère ne voulait pas d'elle, mais comme elle s'entend avec son mari, ils ont déjà 5 enfants. Toutes ces personnes demandent aux âmes charitables de leur donner des capitaux afin qu'ils puissent monter un petit commerce, étant donné que la plupart vivent dans la mendicité. C'est au moment où ils ont reçu ce vendredi une aide constituée de vivres par l'église des Baptistes. Naïsenga Françoise, conseillère dans la haute assemblée de cette église, a souligné qu'ils veulent leur donner des activités génératrices de revenus dans le futur à travers la fondation américaine Tim Thibault Foundation. Ernest Naukirishiga, conseiller social de l'administration communale de Gitega, souhaite que cette fondation élargisse son champ d'activité d'adaptation, étant donné que les personnes en situation d'handicap semblent être oubliées. Vous saurez que 75 personnes handicapées choisies dans la ville de Gitega ont pu recevoir une aide en vivres constituée de haricots et du riz. Artur Kavavushi, Gitega, Radio Isanganiro. Restons au centre du pays pour parler de la naissance du tambour au Burundi, venu d'une idée qu'a eu un roi du Burundi lorsque ses guerriers virent un grand serpent frappant sur une peau de vache. Selon un conservateur, cette peau couvrait une termitière provoquant un son agréable à écouter, comme le dit Oscar Nshimirimana, un des responsables du site de Gishora, là où est né le tambour. Nous sommes au centre du pays, je vous le disais effectivement, dans la province Gitega et plus précisément commune Giheta, des précisions de Christian Savi. La naissance des tambours du Burundi est due d'une termitière couverte d'une peau de vache déjà sèche, frappée par un serpent, provoquant un son qui a interpellé la curiosité des chasseurs qui, à leur tour, ont transmis l'information au roi, comme le dit un des responsables du site touristique de Gishora, M. Oscar Nshimirimana. Intango ni intango. Tout est parti d'un serpent qui frappait la peau sèche d'une vache qui couvrait une termitière. Les chasseurs ont remarqué que le son produit était agréable. Le roi demande alors à ses hommes de s'inspirer de ce qu'ils ont vu pour inventer le premier tambour. Ces chasseurs ont parlé de ce qu'ils ont vu au roi et celui-ci a ordonné à ses sujets de s'inspirer de ce qu'ils ont vu pour produire des tambours à partir d'une peau sèche et d'un tronc d'arbre de Rumuvugangoma. Les tambours créés par les premiers Batimbo étaient très différents des tambours sacrés comme Rukinzo, Kagenda, Murimigwa et Ruchiteme, comme le dit Oscar Nshimirimana. C'est à partir de ce moment que les Batimbo ont créé le tambour en l'améliorant au fur du temps, jusqu'à arriver à construire un vrai tambour, mais qui diffère des tambours sacrés de la cour royale. Le Chiteme, Murimirwa, Rukinzo et Kagenda. Les noms et l'utilité des outils et matériels utilisés à la cour royale vous seront présentés samedi prochain. Voilà, à 18h18 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe qui l'a mise en onde dans Aimé Toussaint Mitewouti. Une très bonne soirée à tous et à tous. Juste après, vous retrouvez Jean Bosco Ndouimana pour la revue de la presse. Revue de la presse. Le dialogue burundais renvoyé au calendrier grec. C'est la une du journal Iwacu de cette semaine écoulée qui estime que finalement l'ancien président Benjamin Mkapa, facilitateur dans la crise burundaise, a été incompris involontairement ou par mauvaise foi. Pour son confrère, il a fallu le rapport qu'il a adressé au chef d'État de la communauté est-africaine pour bien comprendre à qui incombe la responsabilité. À travers les observations et recommandations émises, Benjamin Mkapa ne mâche pas les mots quand il déclare que tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. Et les Burundais devraient le comprendre au premier chef, car ce sont eux qui souffrent dans l'ensemble, commente l'éditorialiste d'Iwachu. Une chose est sûre, personne ne sort gagnant, conclut notre confrère dans son éditorial. Et à l'évidence, écrit toujours Iwachu en page intérieure, c'est un temps précieux gagné par Bujumbura Les élections de 2020 approchent à grands pas et le pouvoir en place s'active. La constitution a été révisée, la feuille de route de Kayanza adoptée et le code électoral analysé. Et notre confrère de conclure encore, il n'en faut pas plus au pouvoir en place de continuer sur sa lancée. Les enseignants s'insurgent contre la pondération de l'examen au poste fondamental. C'est ce que crie la voix de l'enseignant, qui rappelle que dans les classes terminales du cycle poste fondamental, la situation d'intégration est évaluée à 60% et les examens à 40% pour chaque cours et à chaque fin de trimestre. Des enseignants estiment que cet écart favorise la réussite sans refléter la réalité des connaissances. D'après ce journal de l'éducation, les résultats de quelques cours relevés dans un lycée de la mairie de Bujumbura montrent un déséquilibre entre ces deux sortes d'évaluation. En mathématiques, en situation d'intégration, deux élèves ont obtenu 61 sur 63 et deux autres 58, alors qu'à l'examen, les mêmes élèves ont obtenu respectivement 13 et 7 et les deux autres 1 et 3 sur 43. Et en chimie, trois élèves ont obtenu respectivement 50, 48 et 44 sur 63, alors qu'à l'examen, ils ont eu respectivement 20, 16 et 14 sur 42. Et la voix de l'enseignant de révéler que cette idée est partagée par les chefs des établissements qui, par ailleurs, viennent de demander au ministère de tutelle de revoir cette forme d'évaluation qui ne fait que fatiguer aussi bien les enseignants que les élèves. Revue de la presse. Le commerce des produits horticoles est encore au stade embryonnaire. Titre Burundi Echo. Le secteur horticole est peu développé au Burundi. Selon ce journal spécialisé dans les questions économiques, la production, le transport, la conservation et la commercialisation des fleurs s'opèrent dans des circuits informels, ce qui handicape le développement du secteur. Pourtant, fait remarquer son confrère, sous d'autres cieux, le commerce des fleurs est un business qui relève du commerce international. Burundi Echo écrit que le Kenya est réputé dans le commerce international des fleurs et explique son succès du commerce de la rose à la main-d'œuvre féminine peu coûteuse, au bon climat caractérisé par un ensoleillement permanent durant toute l'année, qui attire l'attention des ornithologues qui sont de plus en plus nombreux à s'y investir. Ce qui fait du Kenya le deuxième grand producteur de fleurs derrière les Pays-Bas, conclut ce confrère. Plus de 30 cas de violence basée sur le genre ont été enregistrés les trois derniers mois de l'année 2018 par le Centre de développement familial et communautaire de Mouramvia dans ses 5 communes. C'est ce que rapporte l'agence burundaise de presse. Selon la coordination de ce centre cité par l'ABP, ces violences se présentent sous différentes formes comme les violences sexuelles, socio-économiques, psychologiques, concubinage et d'autres. Netpress écrit, lui, sur le maintien des tensions préventives d'Egide Nahayo, le magistrat qui s'est vu incarcéré à la prison centrale de Mimba vers la fin du mois de décembre 2018 pour s'être assis sur le fauteuil présidentiel en date du 10 du même mois après une réunion du Conseil supérieur de la magistrature animée par le chef de l'État dans la province de Bubanza. Ce confrère en ligne fait remarquer que, depuis cette date, ce magistrat n'avait pas encore comparu et ce n'est qu'au début du mois de février qu'il a été présenté devant un juge de confirmation. Les milieux proches de la magistrature, cités par Netpress, ne comprennent pas comment un justiciable, un magistrat de surcroît, peut passer plus d'un mois avant d'être présenté devant un juge de confirmation, alors que la loi prévoit 2 semaines au maximum. D'après toujours Netpress, les mêmes milieux se posent la question de savoir ce qu'il en est pour les autres catégories qui ne savent même pas interpréter la loi. Et c'est la fin de cette revue de presse présentée par Jean Bosco Nouimana. À la prochaine. Revue de la presse.